France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Au micro de Mélanie Chalandon, Florence Delay a raconté dans À voix nue son enfance et son adolescence, sa participation au film de Robert Bresson, Jeanne d'Arc, enfin mieux qu'une participation puisqu'elle y tenait le rôle titre. Elle a évoqué aussi sa passion pour l'Espagne, sans oublier la corrida. Puis, de théâtre, de quête du théâtre, il fut question dans la vie de cette écrivaine, essayiste, traductrice, agrégée d'espagnol, comédienne, scénariste et membre de l'Académie française. Et puis, le théâtre qui permet, comme le roman, d'être une autre. Voici les deux derniers volets de la série À voix nue. Enseigner, c'est étudier encore, et Immortel après le père. À voix nue. Toute cette semaine, Mélanie Chalandon rencontre Florence Delay. Ce soir, enseigner, c'est étudier encore. Bonsoir Florence Delay et merci de nous recevoir ce soir à nouveau. Vous êtes écrivain, je le rappelle, essayiste, traductrice, comédienne, dramaturge. Vous avez été professeur de littérature comparée et générale à la Sorbonne et vous êtes membre de l'Académie française. Hier soir, nous avons parlé du théâtre, une grande passion née très tôt dans l'enfance et qui ne vous a jamais quitté. Nous avons raconté comment les circonstances de la vie vous ont fait choisir le métier de professeur et non celui de metteur en scène. C'est donc de l'enseignement et de l'écriture dont nous allons parler ce soir. Est-ce que vous vous souvenez, Florence Delay, de votre premier cours et même de la préparation de ce premier cours à la Sorbonne? Oui. Oui, c'était un cours au thème imposé sur les traductions de Shakespeare au XVIIIe siècle. J'avais trouvé une façon de capter mon auditoire sur ce sujet sévère, qui était un merveilleux trait du traducteur Ducis au XVIIIe, qui a traduit entre autres Othello, après la mort de Desdémone, tuée par Othello. Les gentilshommes vénitiens s'entretiennent entre eux des causes de sa mort, et brusquement l'un d'eux explique les choses en disant « c'est la faute au climat ». Bon, évidemment, c'est une phrase qui ne se trouve absolument pas dans Shakespeare et qui correspond tout à fait aux recherches du XVIIIe siècle, qui découvre les influences du climat sur les tempéraments. Et ce « c'est la faute au climat » a détendu terriblement l'atmosphère et on a commencé comme ça. Quel était l'intitulé de votre poste à la Sorbonne ? J'ai été assistante et ensuite maître assistant. Et ensuite, maître de conférence. J'ai jamais été professeur. J'ai jamais soutenu ma thèse. J'ai fait semblant. Et enseigner à la Sorbonne, choisir la Sorbonne, déjà, est-ce que c'était un choix? Et est-ce que c'était facile de pouvoir accéder à l'université de son choix? Ah non, on est choisi. Enfin, il se trouve, on postule. On postule et on est choisi. Il se trouve que j'ai eu beaucoup de chance parce que j'étais toute fraîche agrégée d'espagnol et celui qui dirigeait, le professeur qui dirigeait le secteur de littérature comparée, c'était pas encore des UFR, des unités de valeur comme ce sera après la réforme. Charles Dédéian choisissait, enfin, ses assistants parmi soit des agrégés de lettres, soit des agrégés de langues, puisque finalement il n'y a pas une agrégation de littérature générale et comparée, et qu'on y vient par par les lettres et la littérature française comme par les langues et les autres littératures. L'année de votre rentrée, c'est l'année 1967, donc pour l'année scolaire 67-68. Oui, et tout éclate à la fin. Donc vous êtes aux premières loges, Florence Delay. Je suis aux premières loges et c'est évidemment un très grand choc. J'ai vécu cette période avec passion. J'habitais au quartier latin aussi, j'habitais rue de la Harpe, pas loin de la Sorbonne. Par exemple, je me souviens encore de la première assemblée générale où on avait mélangé les collèges, le collège A des professeurs et le collège B des assistants et maîtres assistants, ça s'était jamais vu. Et le collège A n'était pas très enthousiaste de nous voir siéger en même temps. Enfin, il y a beaucoup de souvenirs de 68 et aussi des souvenirs un peu douloureux parce que, au fond, j'étais jour et nuit à la Sorbonne. Et vous participiez aux assemblées. Aux réunions, aux assemblées. Et je le vivais avec joie et curiosité. Et mon père le vivait avec douleur et anxiété. Parce que son bureau à Sainte-Anne a été occupé, que des propos ont été dits qu'il n'admettait pas, à savoir que les étudiants dans cet amphithéâtre où il avait tant enseigné n'avaient rien appris. Ça, c'était une contre-vérité, sans doute. Et il a senti que j'étais de l'autre côté. Et ça a été très douloureux pour lui, je crois. Jusqu'au moment où il m'a dit d'aller chercher ses diplômes qui lui étaient chers, qui étaient dans son bureau, qui étaient occupés. Et donc, je suis allée à Sainte-Anne. Et voilà. Donc, ça a été... Je ne me suis pas rendu compte sur le moment. C'est après que j'ai mesuré qu'il avait dû être très blessé par tout ça. D'ailleurs, il a démissionné peu après. Il avait fini sa carrière, il avait commencé très tôt et il s'est retiré. Et vous, qu'est-ce qui vous touchait, Florence Delay, dans ce mouvement? Était-ce la remise en cause de la séparation stricte entre celui qui apprend et celui qui dispense le savoir? Est-ce que c'était autre chose dans Mai 68 qui vous a touché? Je me souviens d'un propos de Bergamine qui a vécu Mai 68 à Paris et qu'il disait que ça lui rappelait les premiers jours de la République, enfin la joie. Bon, il y a eu, vous savez, je suis aussi assez superficielle et j'ai, mais comme dirait Jean Giraudoux, je trouve assez d'épaisseur à la surface du monde. Elle me suffit. Et si je reste à la surface de Mai 68, eh bien, c'était passionné. Il y a eu une libération de parole inouïe des étudiants. Taiseux, que je n'avais jamais vu parler, tenaient un discours. Il y avait cet espoir aussi d'aller du côté de la politique qui n'était pas mon territoire. Moi, j'étais plutôt dans un renversement de la vieille Sorbonne où brusquement une égalité merveilleuse naîtrait entre A, B et les étudiants. Et voilà. J'ai été très surprise aussi. Et j'ai beaucoup écouté. Voilà. Vous dites parfois, Florence Delay, que c'est parfois grâce à la question d'un étudiant, la suggestion d'un autre, que vous avez orienté une recherche, écrit un livre, etc. Quelle était votre relation aux étudiants? Comment dire? Un sentiment d'égalité. D'abord, j'avais leur âge. J'étais un peu plus âgée, mais pas tellement. Et ensuite, j'avais vraiment le sentiment d'avoir tout à apprendre. D'ailleurs, il y a beaucoup de propos dans un livre qui s'appelle « L'école », d'Antoine Vitesse, il parle bien sûr de l'école de théâtre. Il y a beaucoup de propos qui me rapprochent de ce que je pense aussi de l'enseignement. Il dit « l'enseignement n'a ni commencement ni fin ». Et ce n'est pas parce que j'avais un peu d'avance sur mes étudiants qu'il fallait me sentir ma maîtrise. Et d'ailleurs, je déteste le mot maîtrise. Et je n'aimais pas avoir le sentiment de posséder un sujet. Je voulais découvrir ce sujet avec mes étudiants, avec un peu d'avance sur eux, parce qu'autrement, et aussi mes instruments de travail. Mais je n'avais pas envie de leur opposer un discours tout fait et quelque chose de fermé. Je pense que c'était l'époque aussi, vous vous souvenez, de l'œuvre ouverte d'Umberto Eco, de cette idée. Et je crois que l'idée d'être un panier percé me convenait parfaitement, c'est-à-dire me laisser traverser. Et il est vrai que j'ai beaucoup appris avec mes étudiants, mais eux aussi. Je veux dire, c'était à double sens. En particulier, enfin, ça a été frappant, parce que je mettais au programme, il y avait des sujets obligés. Bien sûr, des questions de licence ou d'agrégation, bon, qui étaient un programme. Et puis, il y avait, à l'époque bénie où j'enseignais, il y avait des UV libres, et vous pouviez choisir l'intitulé du cours que vous vouliez faire et également le séminaire que vous vouliez faire. Moi, j'ai pris un séminaire très tard parce que je me sentais pas... J'ai pris le séminaire à la fin de ma carrière. Et donc, je choisissais toujours en UV libre ce que j'avais envie de découvrir. Et alors, parmi ces choses que vous aviez envie de découvrir, il y a notamment un travail de plusieurs années sur les Indiens d'Amérique, oui. Sur les textes, les discours... Oui. Des Indiens d'Amérique. Est-ce que et ce travail que vous avez mené avec Jacqueline Baldran, oui, il intervient un peu avant le renouveau indien. Oui. Est-ce qu'il y avait une dimension militante, Florence Delay, dans le choix de ce travail? Alors, elle est venue après. Le choc qui a déterminé le choix, c'est une lecture de poèmes rue de la Harpe, chez moi. À une époque où la lecture publique n'existait pas beaucoup, c'est un poète américain, Jerome Rottenberg, qui avait fait une anthologie, qui avait vécu pas mal de temps dans une réserve Sénéca, qui a écrit une magnifique anthologie de poésie indienne qui s'appelait Shaking the Pumpkin, c'est-à-dire en agitant la calebasse, c'est-à-dire en rythmant, et il a fait une lecture chez moi avec quelques poètes qui étaient là, Jacques Roubaud, Michel de Guy, etc. Et il a commencé par des chants de chevaux des Indiens Navajos, je crois. Bon, c'est-à-dire, c'était des hennissements rythmés. Et petit à petit, on se transformait en cheval. Et puis, il y a eu d'autres poèmes. Et le choc a été tel que j'ai dit à Jacqueline Baldran, allez Jacqueline, prenons notre courage à deux mains, on se lance, on va faire un cours. Bon. On ne savait rien. On a commencé à travailler sur une carte du western parue dans Télérama pour situer les Sioux, les Cheyennes. On a travaillé tout l'été et on a honnêtement dit à nos étudiants à la rentrée, on est des grandes débutantes, mais voilà, est-ce que vous voulez? Et le cours a été formidable. Et alors, au fur et à mesure des années, on est passé aux luttes politiques, aux discours de chefs indiens, aux poèmes, chants des Indiens d'Amérique. On est allé approfondissant et le résultat a été beaucoup de bonheur. Il m'arrive encore de rencontrer d'anciens étudiants qui font leur vie. Mais vous vous souvenez, on travaillait sur les Indiens d'Amérique. Et en plus, avec on a travaillé sur leur mythe aussi et sur ce personnage extraordinaire qu'on appelle le farceur, the trickster, celui qui joue des tours et qui, selon les tribus, devient coyote, jet bleu. Et oui, c'était une période très, très, très heureuse et très enrichissante. Et quand le cours a été fini, Jacques Roubaud m'a dit, mais qui m'avait beaucoup aidé à rassembler les textes, que vas-tu faire de tout ça? et nous avons fait un livre qui s'appelle « Partition rouge, poèmes, chants des Indiens d'Amérique du Nord ». Donc, quelquefois, le cours et ses découvertes aboutissaient à un livre. Eh bien, venons-en au livre, justement. Dans un épisode précédent de notre conversation, vous nous expliquiez comment Maurice Molliot, un de vos professeurs d'espagnol, vous avait fait reprendre la préparation de l'agrégation, et ce professeur était convaincu de votre destin d'écrivain. Et vous l'étiez-vous à ce moment-là? Alors, Il y a cette phrase que vous rapportez dans l'un de vos livres, où il vous dit « Florence Delay, vous n'écrirez pas en bon français, car le bon français, c'est la fin de la littérature. » Oui, ça m'a beaucoup frappé. Pour revenir à votre question, je crois que j'en étais convaincue, parce que, de toute façon, nous avions fait un pacte, Natacha, Michel et moi, en classe de seconde au Café Jean-Bart, qui était en face de La Fontaine. On avait fait le pacte de devenir écrivain. Mais nous avons fait passer tout avant. C'est-à-dire moi, le théâtre, et puis ensuite l'agrégation d'espagnol, elle, la philosophie et la politique. Et puis un beau jour, on s'est rencontrés, on avait fait tout ce qu'on avait dit, sauf écrire nos premiers romans. Et on s'y est mis, ensemble, en se réunissant deux fois, trois fois par semaine, et on se lisait l'une à l'autre ce qu'on avait écrit, on se corrigeait avec fureur et très durement. Et voilà comment ont été écrits nos deux premiers livres. Votre premier livre paraît donc en 1973, c'est « Minuit sur les jeux ». Il est écrit à la première personne, et le narrateur, Julie, vous ressemble un peu, Florence Delay? Oui, c'est en effet un roman d'éducation. Je crois que beaucoup d'écrivains ont commencé par un roman d'éducation. Je l'ai écrit à l'âge où je pensais mon éducation terminée. Mais en fait, c'est pas vrai. On la recommence tout le temps. Et il y a des romans de seconde éducation, de troisième éducation. Et là, c'est en fait un jeu qui prend en compte un peu toutes les filles de ma génération et du lycée. Je leur emprunte d'ailleurs des histoires. Tout ne m'est pas arrivé à moi, mais à elles aussi. Et c'est une sorte de portrait, peut-être, des jeunes filles de cette génération-là. En particulier, l'éducation laïque, enfin, je veux dire, il y a toute une analyse, en fait, aimante et critique du lycée. Et puis ensuite, à la sortie du lycée, on découvre qu'on a un corps et que personne ne nous a jamais expliqué. Personne ne vous avait prévenu. Personne ne nous avait prévenu. Voilà. Et après, donc, viennent les aventures de ce corps qu'il faut habiter. Incarner. Incarner, oui. Comme on incarne Jeanne d'Arc. Mm-hmm. Voilà. Donc, le premier roman de Natacha s'appelle « Ici commence ». Et puis, on a continué chacune une route. Alors, il y a un autre travail, Florence Delay, d'écriture et de traduction. C'est cette entreprise de La Célestine que vous allez écrire, traduire pour Antoine Vitesse, si je ne me trompe pas. C'était une commande? Oui, ça a été une commande d'Antoine Vitesse. Et j'en profite pour faire l'éloge de la commande. Car grâce aux commandes, on fait des choses qu'on ne ferait pas. Et il faudrait... C'était une façon de faire des mécènes de la Renaissance. Hein. Bon. Bref, Antoine Vitesse a été... C'était autour de 1989, c'est ça à peu près? C'est ça. Ouais. Alors la rencontre avec Antoine Vitesse... Elle est due, dirais-je, à mes propres forces. C'est-à-dire que rien n'est intervenu. J'ai été assise à côté de lui un soir à une projection. Et il s'est tourné vers moi et il m'a tutoyée. Mais j'ai beaucoup travaillé sur son tutoiement. C'est très intéressant, le tu de Vitesse. C'est un tu royal, à mon avis. Il s'est tourné vers moi et en fait... je l'intéressais parce que sa mère était en train de lire un de mes romans. et le trouvait très bien. Donc j'étais fière comme un petit bon. C'était mon second roman. Et alors j'ai commencé à rôder autour de Vitesse. J'ai pas fait partie de son école, cette école où, dont sont sortis tant de comédiens absolument merveilleux. Mais l'école d'Antoine Vitesse a donné lieu à des livres et à, que j'ai lus avec ardeur. Il disait par exemple que l'école est le plus beau théâtre du monde. Et il pense à l'école de théâtre, mais je pense à l'école tout court, que c'est le plus beau théâtre du monde. Et donc je suis entrée dans son entourage et j'ai commencé à voir ses pièces et assister aux répétitions. Puis il a pris la direction du théâtre national de Chaillot. Et là, il a fait plein de choses très pédagogiques aussi. Il a monté des discours politiques qu'il a fait redire par ses comédiens. Et il y avait toute une idée d'enseignement liée aussi à la liberté et à l'invention de ses comédiens, car lui s'inspirait beaucoup d'eux. Et alors, Antoine avait aussi un don extraordinaire de gaieté. Il imitait à merveille. Et il pouvait faire tout le monde. Tout le monde, de Georges Marchais à... Il imitait tout le monde. Et j'aurais bien aimé avoir ce don d'imitation. Enfin, c'est une grande figure. Il a beaucoup compté pour moi. Et il a eu la générosité de me commander la Célestine. Seulement, il voulait la Célestine intégrale. Et c'était 24 heures. Un texte très long. Très, très long. Il y a 24 actes où... Bon. Alors... Est-ce qu'on peut rappeler, pardon, Florence Delay, qu'est-ce que ce texte de la Célestine ? Alors, là, oui, vous avez tout à fait raison. La Célestine est le grand texte de la... qui fait la jointure entre le Moyen-Âge et les temps modernes. C'est une sorte de roman parlé. Il est à la fois théâtre et roman. En fait, La Célestine est la première grande pièce et le premier roman. Et c'est un texte espagnol, donc. Et c'est un texte espagnol de Fernando de Rojas qui raconte l'histoire, c'est une tragicomédie, écrite pour blâmer les amoureux fous qui appellent Dieu leur ami et prévenir contre la turpitude des intermédiaires. Et l'intermédiaire, c'est Célestine. Elle va donner d'ailleurs un nom commun. Une Célestine, c'est une entremetteuse. Et cette turpitude des intermédiaires, c'est un sujet brûlant et actuel. Et il l'avait bien senti, Vitesse. Alors, il voulait que je traduise tout. Et à l'époque, il y avait le comité de lecture de Gallimard, les cours à préparer. J'écrivais aussi, ça m'a semblé monumental et j'ai dit non. Et puis, il a monté intégralement à ce moment-là Le Soulier de Satin. Il aimait les projets fous et l'extravagance et aller jusqu'au bout. Et il prenait même une certaine outrecuidance sans laquelle on ne fait rien. Et puis, des années après, il m'a demandé une version courte en 3 heures. Enfin, c'est pas si court. Et alors là, oui, j'étais prête. Version courte qui impliquait donc de couper, de choisir. Qui impliquait de couper. Et alors je me suis cachée, masquée derrière mon idée que je détestais l'adaptation, que tout était très fidèle, que il n'y avait pas un mot de moi dans ma traduction, lorsque je me suis rendu compte que la paire de ciseaux était très subjective. C'est que je coupais ce que j'aimais moins, au fond. Et que je me réfugiais derrière une attitude très loyale et très transparente, et qu'en fait, non, c'était peut-être moins transparent qu'il n'y paraissait. Et Florence Delay, ce texte a finalement été mis en scène par Antoine Vitesse pour le Festival d'Avignon, c'est ça ? C'est ça. Il a été joué dans la Cour d'honneur et ensuite à l'Odéon. Et vous vous souvenez de sa réception ? Oui, oh, très mauvais. Très mauvais, Comment vous l'expliquez ? Elle est dure, la Cour d'honneur. Elle est dure, la Cour d'honneur. Je l'explique pour deux raisons. Je l'explique à cause d'un escalier qui avait été conçu par Yanis Kokos, censé aller des bas-fonds au ciel. Bon. Seulement, Tout se jouait beaucoup sur les marches. Et par exemple, mon ami Roubaud, qui compte toujours, avait compté le nombre de marches qui avaient été franchies par tous les comédiens et descendues. Bon, c'est pour vous dire que cet escalier gênait. Et puis l'autre chose, c'est une malveillance. Je me souviens, il y avait une Mélibée magnifique qui était Valérie Dréville, et quand elle se suicide, parce que tout se termine très mal, quand elle se suicide du haut de la tour, devant son vieux père, elle se suicide et nue, ayant tout abandonné. Et c'était très très beau. Et alors, des plaisanteries, des colibés, etc. Hein, c'était dur. Mais à l'Odéon, ça s'est très bien passé. Revenons un instant, Florence Delay, sur l'idée du modèle. Il y a un séminaire que vous avez monté également qui s'appelait « Le modèle, la copie, l'invention ». Oui. Alors, c'est un sujet qui m'a hanté depuis toujours, parce que, un petit peu par réaction à la superbe du XXe siècle qui a prétendu, depuis ses débuts, tout inventer. Or, je crois que j'aime le passé, j'aime les formes anciennes. Je pense qu'on a tout à gagner à ne rien oublier, enfin, ne rien oublier, à reparcourir des chemins anciens. Et j'ai établi ce cours à partir d'une exposition du Louvre qui s'appelait « Copier-créer », passionnante, qui montrait qu'au fond, tous les grands peintres avaient été au Louvre copiés des maîtres. Et qu'en fait, en littérature, ça pouvait peut-être être comme ça aussi. Et était-ce une manière de faire tomber un tabou, quelque part? Oui, le tabou du... Le tabou de l'invention à tout prix. Mmh. Du neuf, du tout beau, tout neuf. Non, la beauté vient de loin. Se tourner vers le passé, et même redécouvrir des écrivains oubliés, c'est un peu les ressusciter, et c'est le travail d'un professeur. Merci beaucoup, Florence Delay. Bonsoir et à demain. C'était À Voix Nue. Toute cette semaine, Mélanie Chalandon rencontre Florence Delay. Attachée d'émission Claire Poinsignon, prise de son François Rivalan, réalisation Anne-Pascale Desvignes, coordination Sandrine Trainer. Cette émission reste écoutable en ligne pendant une durée de 1000 jours et podcastable pendant un an sur franceculture.fr. Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Mélanie Chalandon avec Florence Delay. À Voix Nue. Ce soir encore, Mélanie Chalandon rencontre Florence Delay. Tout de suite, Immortelle après le père. Bonsoir Florence Delay. Bonsoir. Nous vous retrouvons ce soir pour notre dernier entretien. Florence Delay, je rappelle que vous êtes écrivain, que vous êtes également essayiste. Vous avez traduit de nombreux ouvrages de l'espagnol et vous êtes également comédienne et dramaturge. Vous avez été professeur de littérature générale et comparée à la Sorbonne et nous évoquions hier votre parcours d'enseignante. Ce soir, nous allons évoquer un événement important de votre vie, votre réception en 2000 ans à l'Académie française. Et Florence Delay, vous confessez dans un de vos livres avoir été un peu réticente au premier abord à entrer dans l'Académie française. Oui, parce que ça me semblait une maison solennelle et je me demandais si elle me si je lui ressemblais ou si elle me ressemblait. Et puis je dois dire que l'idée d'y entrer après mon père, chose qui lui aurait fait un immense plaisir, m'a séduite. C'est cela, venir après lui et surtout précéder, je l'espérais, un certain nombre d'écrivains que j'admire aujourd'hui. Et ça ne s'est pas trop fait. Voilà. Il faut dire, ajouter peut-être, que j'aime les institutions. J'aime le lycée, j'aime l'université et j'aime l'académie parce qu'au fond elle est un conservatoire, de même que il y a le conservatoire d'art dramatique ou le conservatoire des arts et métiers. L'Académie française est le conservatoire de notre langue. Et cela, travailler à la commission des dictionnaires, entrer dans ce bel endroit, ce grand passé, voilà, finalement j'ai dit oui à la proposition qui était très, très flatteuse, mais ça me faisait un peu peur, voilà. C'était donc une proposition et vous n'avez pas fait campagne ? Ah, si, après, on m'a suggéré de la faire. c'est dans l'ordre des choses. C'est un rite ? Oui, voilà. Certains vous suggèrent, certains viennent de leur plein gré. Et puis d'autres viennent parce qu'on leur a suggéré de poser la candidature. Et là, on doit faire une campagne, c'est-à-dire on écrit à chaque académicien pour proposer sa visite. Et voilà. Et certains disent oui, certains disent non. Et puis arrive le jour de l'élection. C'est un jeudi, il pleut. On se dit, mais qu'ai-je fait? Et puis on apprend qu'on a été élu ou pas, un jeudi. Un jeudi, un 4 de décembre. Un jeudi. De l'an 2000. Donc. Oui, c'est cela. Et j'enseignais encore à ce moment-là. J'étais encore à Sancier. Et voilà. C'était quand même une joie, Florence Delay, l'élection, d'apprendre que vous étiez élu. Oui, c'était... en fait, j'étais assez troublée. Mais après, le trouble s'est dissipé parce que j'ai dû préparer une sorte d'agrégation qui était le discours sur mon prédécesseur. Et ça, c'est aussi difficile qu'une question d'agrég pour la bonne et simple raison que je devais faire l'éloge d'un philosophe dont je n'avais pas lu une ligne. C'était donc Jean Guiton. Voilà, c'était Jean Guiton. Et je me souviendrai toujours avoir reçu une lettre un peu ironique de Chris Marker, se demandant un peu ce que j'allais faire là-bas, mais me disant que Jean Guiton avait écrit un très grand bouquin. Et c'était Portrait de Monsieur Pouget. Donc, immédiatement, toute affaire cessante, j'ai lu Portrait de Monsieur Pouget et je suis entrée dans l'œuvre de Jean Guiton, effectivement, par un chef-d'œuvre. Et ça vous a plu ? Ah oui, non, c'est un livre tout à fait extraordinaire. Bon, j'ai lu d'autres choses, après je n'ai pas tout lu, mais j'ai essayé et j'ai mené l'enquête sur un homme que je ne connaissais pas, que je n'avais pas lu. Et cette enquête, au fond, c'était la même enquête que j'ai fait au Pays Basque pour écrire un roman qui s'appelle Etchemendi. Les romans, pour moi, sont des enquêtes, et finalement, j'ai fait une enquête sur Jean Guiton. Et j'ai appris beaucoup, là encore, beaucoup de choses. Et puis ensuite a commencé la vie académique, c'est-à-dire la vie du jeudi, dont la partie passionnante est donc cette commission du dictionnaire à laquelle j'appartiens. Revenons juste un instant sur l'écriture de ce discours. À la différence du roman, cette enquête devait déboucher sur un éloge. Et il y a une phrase dans votre discours, vous dites « Qu'eût-il pensé d'une femme, lui qui nous jugeait inachevée ?» Oui, ça devait être difficile de faire l'éloge avec cette phrase. Je n'allais pas faire l'économie de toutes les réticences du catholicisme dur et pur envers les femmes. Et d'ailleurs, quand j'ai reçu à mon tour, une dizaine d'années après Monseigneur d'Agens, qui est évêque d'Angoulême, j'ai rappelé que j'ai fait l'éloge des femmes qui sont les petites mains de l'Église, comme en haute couture, vous avez le couturier, mais vous avez les petites mains qui font tout. Et j'étais heureuse de faire notre éloge dans ce paysage-là. On se souvient aussi de la première phrase de votre discours. Il me semble, mesdames. Oui, alors là, Vous étiez combien de femmes à votre arrivée? Il y avait combien de femmes à l'Académie française, Florence Delay? Alors, je suis la quatrième. Donc, Marguerite Yourcenar était morte. Et il y avait Hélène Carrère-Dancausse et Jacqueline de Romilly. Donc, elles étaient deux. Mais j'étais tellement contente de commencer par « Il me semble, mesdames », qui est une phrase de Marguerite... Enfin, une phrase qu'utilise beaucoup Marguerite de Navarre, la sœur de François Ier, et qui a été, qui est le titre aussi d'un livre que j'ai écrit, Il me semble, mesdames. Alors c'était, il me semble, mesdames, que je vous dois autant de reconnaissance qu'à vous, messieurs, qui êtes plus nombreux. Et vous savez, c'est toujours le diapason, la première phrase, hein, c'est le là. Et je voulais commencer avec légèreté. Florence Delay, vous entrez donc dans le lieu des immortels. Profitons-en pour parler un peu de votre rapport à la religion catholique. C'est un rapport qui commence très tôt, puisque vous êtes scolarisée chez les sœurs. Alors, juste avant de repasser au couvent de l'Assomption, où je suis très petite, j'aimerais juste vous dire que dans la cour, une des cours de l'Académie française, il y a un cadran solaire avec une inscription latine qui dit « Quia breves horas tuas », puisque tes heures sont brèves, voulez à d'illustres travaux. Et ce cadran solaire donc montre la vie est brève, alors ne la perds pas, voula au labeur. Et ça, j'aime beaucoup cette phrase. Donc, oui, alors, je suis élevée au couvent de l'Assomption, et puis j'oublie tout. Je rentre au lycée, et je m'éloigne. Jamais vraiment. Mais voilà, je ne pratique plus, je ne lis pas pendant des années. Vos parents ne vont pas à la messe? Maman, oui. Mon père, non. Maman y va de temps en temps, je l'accompagne, j'ai eu une grand-mère très pieuse, une autre tout à fait agnostique, mais comment dire, ma vie s'en passe. Et puis, comme très souvent dans mon existence, elle revient. Elle va revenir d'une façon enfin, qui m'émeut encore, c'est à la mort de José Bergamine. J'avais fondé une association de ses amis pour l'aider matériellement, de ses amis français, à laquelle contribuait toujours l'abbé Pézril, qui était à ce moment-là évêque auxiliaire de Paris. Et à la mort de Bergamine, Monseigneur Pézril a voulu faire une messe à Saint-Séverin, qui était le lieu où il avait rencontré Bergamine en exil. Et Bergamine était venu le trouver parce que Pézril avait accompagné la mort de Bernanos, de Georges Bernanos. Donc vous voyez, il y avait une sorte de chaîne. Et donc, j'ai rencontré à cette occasion le père Pézril, et je suis tombée sur comme un père de l'Église, quoi. Je veux dire, une espèce de personnalité intelligente et rayonnante. Et donc j'ai commencé comme ça à lire, à me renseigner sur cette religion que je connaissais par fragments, par lambeaux. Et petit à petit, voilà, j'ai repris le chemin de quelquefois de l'Église ou de la lecture. Et puis, en même temps, est arrivée la proposition, cette Bible qui se préparait, cette nouvelle traduction de la Bible, sur des principes très nouveaux, à savoir que chacun des livres de l'ancienne alliance comme de la nouvelle alliance était traduit par deux personnes, donc un exégète, c'est-à-dire quelqu'un de savant en la matière, un spécialiste, un bibliste, et un ignorant, l'écrivain, mais moins ignorant en sa langue. Donc cette alliance a donné parfois, dans cette nouvelle traduction, de très beaux résultats. Et alors, il y avait donc le retour de l'intérêt très grand pour la religion chrétienne, le travail avec mes exégètes qui m'apprenaient tant de choses, et c'est à ce moment-là que, hop, je crée un nouveau séminaire qui s'appelle Histoire de Bible à la Sorbonne, histoire comme Godard l'écrit dans Histoire de cinéma, avec le S entre parenthèses, qui est un séminaire ouvert à tout, pourvu que les livres choisis, les poèmes ou les romans choisis par mes étudiants, aient un rapport avec la Bible. Et c'est immense. Et c'est immense. Donc là, on pouvait aller de Thomas Mann à Melville, etc. Et tout cela a formé un massif où je me suis sentie bien. Et j'y suis toujours. Et puis Florence Delay, ça n'est pas anodin. Vous avez quand même incarné Jeanne d'Arc quand vous aviez 21 ans. Et vous incarnez Jeanne d'Arc pas à n'importe quel moment de sa vie, au moment de son procès ou au moment où sa foi est mise à l'épreuve. Vous Florence Delay, à 21 ans, quelle idée aviez-vous à ce moment-là de la foi ? À 20 ans, rien. À 20 ans, je pensais que c'était une très belle chose pour ceux qui l'avaient. Mais je n'éprouvais pas de sentiment pour l'éternité, pour la parole du Christ, la parole du Christ, elle est arrivée beaucoup plus tard et maintenant elle m'accompagne et je me suis rendu compte de la chance que j'avais eue de faire Jeanne, mais bien des années après. Sur le moment, j'étais toute... C'était un rôle comme un autre. Pas comme un autre. Mais j'étais encore, permettez-moi de vous dire, à la surface des choses. Enfin, j'y suis toujours d'ailleurs. Mais peut-être, j'ai gagné en largesse, peut-être. Et peut-être un peu en hauteur aussi. Mais je descends souvent. Vous dites souvent que c'est la joie qui vous a rapproché du christianisme. Oui. Je dis oui d'autant plus volontiers qu'a prévalu une sorte d'image douloureuse qui accompagne les derniers jours du Christ, de la passion, du calvaire, du Golgotha, de la couronne d'épines. C'est oublier les promesses de toute sa vie. C'est les promesses de l'homme qui parle en marchant, de l'homme qui délivre... qui délivre des paroles inimaginables, qui renverse les puissants, qui renverse tout ce qu'on croit être important et qui, à ses yeux, ne l'est pas. Et le sermon des Béatitudes sur la montagne, bienheureux les pauvres d'esprit, bienheureux, etc. Bon, c'est quelque chose, si on reste un tout petit peu avec lui, qui est bouleversant, qui bouleverse l'ordre social du monde. Et c'est cette parole révolutionnaire que je chéris dans les évangiles et puis la lecture de la Bible, de tous les grands livres, des prophètes, enrichit beaucoup et vous sépare un peu du quotidien et de la peur de la mort. Une parole qui est, Florence Delay, vous êtes une grande traductrice, traduire la parole biblique, toucher un peu au sacré. Est-ce que c'est pas la traduction la plus difficile finalement ? Écoutez, non, parce que la Bible a été magnifiquement traduite maintes fois. Il y a beaucoup de traductions que j'aime, celle de la Bible de ma grand-mère par exemple, de l'abbé Crampon. Je veux dire, il y a beaucoup de très belles traductions. Mais pour moi, ces traductions, c'est comme un paysage à une heure différente. Il n'y a pas de doute que le paysage à l'aube n'est pas le même qu'à midi ou à 8 heures du soir. Et la Bible, comme tout grand livre, a besoin d'être inlassablement retraduite pour que nous l'entendions. Vous voyez, par exemple, j'ai travaillé l'évangile de Jean. Bon, c'était un travail de fourmi. Il y avait très peu de choses à faire. Mais ce peu de choses est très important. Vous voyez, par exemple, dans l'évangile de Jean, c'est celui où il y a des épisodes, il y a de magnifiques scènes avec des femmes qu'il n'y a pas dans les autres évangiles. En particulier avec une femme qu'on lui amène parce qu'elle a été découverte en train de tromper son mari. Bon. Cet épisode s'appelle « La femme adultère ». Et on lui dit, nous, la loi, nous commande de lapider ces femmes-là. Toi, que dis-tu ? Et Jésus garde le silence et dessine dans le sable. C'est un moment poignant. Aujourd'hui, la femme adultère, écoutez, c'est vieilli. L'adultère, on en parle chez les avocats pour le divorce ou pas, je ne sais pas, je trouvais beaucoup plus fort de dire la femme infidèle. Parce que l'infidélité, c'est beaucoup plus grave que l'adultère. Et donc, mon travail, c'était infime. C'était de mettre infidèle au lieu d'adultère. Voilà. C'est infime et ça change beaucoup de choses. Mais je crois. Parce que ça permet à des gens jeunes, par exemple comme vous, de comprendre une scène que le mot adultère rendait brusquement un peu noble et éloigné. La Bible, Florence Delay, premier texte féministe ? C'est un peu une provocation, oui. Oui, non. Je vous dis ça parce que vous rappelez un jour, et je crois que c'est justement dans votre discours d'accueil à Mgr Claude Dagen à l'Académie française en mai 2009, vous rappelez « Rien dans les évangiles n'annonce semblable opprobre. Nous sommes, avec les apôtres, premières amies du Christ. » Vous parlez des femmes à ce moment-là. Oui, mais c'est évident. Le Christ dit qui il est pour la première fois à une femme, à la Samaritaine. C'est une femme qui le voit pour la première fois après sa résurrection. C'est Marie-Madeleine. Elles sont là. C'est elles qui sont au pied de la croix. C'est une femme qui verse du parfum sur lui. Et on critique et il dit, mais il aime ce geste. Non, on est très présente et on est ses amis comme les apôtres. Est-ce qu'il y a des fois dans votre vie, Florence Delay, où vous vous êtes sentie féministe, où vous vous êtes dite féministe ? Dans d'autres pays que le mien, oui. Ici, je crois qu'on a, le travail est fait d'une certaine façon, même s'il y a encore des inégalités. Mais en revanche, mon cœur se serre en pensant... C'est le décentrement dans d'autres pays qui... où je trouve certains sorts... Quel pays ? Quelle destination ? Écoutez, ça m'est difficile de parler à la place des autres. Mais j'ai beaucoup de mal à voir une femme en burqa. Parce que je pense que... Parce que pour moi, mais française, occidentale, c'est comme une cage. Et ça me fait penser à la phrase de Kafka... Une cage s'enfuit à la recherche d'un oiseau. Et quand je vois la burqa, je me dis, c'est comme une cage qui enferme un oiseau. Mais peut-être que je me trompe, je n'en sais rien. Florence Delay, parallèlement à votre travail de traduction sur les textes de la Bible, vous continuez à écrire pour vous, à écrire des romans. Bien sûr. Et le roman me sert aussi à explorer des territoires inconnus. Par exemple, j'ai écrit un roman que j'aime bien, qui s'appelle « La fin des temps ordinaires », parce qu'un jour, j'avais été très surprise d'apprendre qu'on était dans le temps ordinaire. Il est vrai que la religion chrétienne est pleine d'événements extraordinaires. La résurrection, la nativité, l'ascension. Mais il y a un temps ordinaire. Et cette expression m'a brusquement saisie. Et j'ai imaginé l'histoire d'un cordonnier, je dirais pas pourquoi, dont le modèle est bâillonné, et de ses amis du sud-ouest, qui aiment la pelote basque et les taureaux, qui allait se convertir. J'ai écrit un roman sur la conversion, et au départ, pour essayer de savoir ce que c'était que méditer, parce que la méditation, je ne sais pas ce que c'est, j'ai jamais pu méditer. Bon. Et je me suis dit, je vais tout savoir quand j'aurai fini mon roman. Eh bien, pas du tout. C'est à la dernière page que Labarthe, mon héros, s'en va dans les Landes pour essayer d'avoir un été un peu spirituel, etc. Il se passe plein d'autres choses, mais en fait, ce roman est sourdement l'histoire d'une conversion. Et c'est très simple. J'avais été en Inde 2 mois avec Jean Echenoz. On avait fait une tournée des Alliances françaises de l'Inde. Et j'étais revenue avec l'image de la pauvreté, de la misère. Et brusquement, j'ai vu qu'elle était à Paris, qu'elle était là. C'était pas la peine d'aller en Inde pour la voir. Et j'ai imaginé donc que le cordonnier, un jour, voit passer dans la rue un homme pieds nus. Et un grand trouble naît de ce passage. À mon avis, c'est le Christ. Mais tout est pris dans un contexte joyeux de copains, d'aventures de beaucoup de personnages. C'est une conversion heureuse. Puisque, comme vous le savez, j'essaye toujours de rester proche de la joie. Alors que les conversions dans l'histoire, et notamment dans l'histoire espagnole, sont loin d'être heureuses. Ah oui, papa. Il y a une grande histoire de la conversion forcée. Oui, mais oui, là vous parlez du drame juif. Mais n'oubliez pas, par exemple, que si Thérèse d'Avila s'est convertie en lisant des romans de chevalerie, et d'ailleurs, c'est un chevalier, Thérèse d'Avila. Ignace de Loyola, lui, qui était un jeune homme coureur et bagarreur et très éloigné de la religion, s'est converti après une blessure infligée par les Français, merci la France. Et il n'y avait rien dans la maison de ses parents, il n'y avait pas de roman de chevalerie. Donc il a pris ce qu'il y avait, c'était la légende dorée de Jacques de Voragine. Et en lisant toutes ses vies de saints, il s'est dit, mais enfin, moi aussi je pourrais faire ça. Et il a créé la Compagnie de Jésus. Donc, vous voyez, la lecture mène à tout. On a dit, Florence Delay, que vous êtes entrée, on parlait de l'Académie française, vous avez été élue en 2000 et vous êtes reçue en 2001. Et c'est à peu près à cette période que vous quittez la Sorbonne, que vous quittez l'enseignement. Oui. Oui, je suis partie. Et comment se fait ce passage de l'un à l'autre? C'est finalement assez naturel ou... le passage d'une institution à l'autre, hein, finalement. Oui, mais à l'époque, on nous poussait gentiment vers la sortie, à 60 ans. On obtenait un demi-service, et voilà. Et moi, je souhaitais avoir un peu plus de temps pour travailler pour moi. Et donc, j'ai quitté ce métier très aimé en me disant peut-être qu'il était temps d'avoir... de quitter la jeunesse, peut-être. Florence Delay, vous avez coutume de dire que parmi les facultés de l'âme, la mémoire est celle que vous possédez le moins et même que vous défendez l'oubli. Est-ce parce que je suis oublieuse, j'oublie beaucoup ? J'oublie les blessures, mais j'oublie aussi des choses aimées, des livres aimés, donc je les redécouvre. L'oubli permet de commencer sans cesse. Et puis l'oubli est proche peut-être du pardon, est une forme du pardon. Et je crois que il ne faut pas oublier les événements cruels. Il faut peut-être les pardonner. Mais moi, je sais que l'oubli m'a aidé dans la vie. Hélas, on n'est pas maître. Et les rêves ou un parfum ou un paysage ramènent quelque chose qui fut douloureux. Mais bon. Je vous remercie, Florence Delay. Merci à vous. Fin de cette rencontre de Mélanie Chalandon avec Florence Delay. À voix nue, attachée d'émission Claire Poinsignon, prise de son François Rivalan, réalisation Anne-Pascale Desvignes, coordination Sandrine Trainer. Deux volets de la série À voix nue ont été diffusés pour la première fois sur France Culture les 1er et 2 novembre 2012.